Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, première partie, chapitre 4e du troisième traité, deuxième paragraphe. Espérance de Marie. Un des titres qui conviennent le mieux à Marie, est celui de Mère de l'Espérance. L'espérance est cette vertu qui, semblable à une ancre, fixe solidement le vaisseau de notre âme sur la mer orageuse de ce monde. C'est la consolation qui nous est restée après notre chute, l'appui qui nous soutient dans notre abattement, et nous encourage à la pratique des vertus chrétiennes. Elle est définie par les théologiens, une vertu divinement infuse par laquelle nous attendons de Dieu, avec une ferme confiance, la vie éternelle et les moyens pour y parvenir. Marie, comme mère de l'espérance, dut posséder cette vertu dans toute son étendue et au degré le plus héroïque. Loin de placer sa confiance dans les créatures, ce que les hommes ne font que trop souvent, elle l'a mis en Dieu seul. Elle ne désirait, elle ne cherchait autre chose que la vie éternelle, et ce qui y conduit. Ce bas monde avec tout ce qui excite l'admiration et les convoitises des enfants d'Adam, toujours séduit par de vaines illusions, était pour Marie comme s'il n'eût pas existé. La terre était un désert pour elle, au point que les anges même, étonnés, si j'ose le dire, du détachement de son cœur à l'égard de toutes les créatures, s'écriaient, Cantique 8:5, qui est celle qui s'avance du fond du désert, remplie de délices, appuyée sur son bien-aimé? Oui, dit Saint Grégoire, l'âme sainte s'élève du désert, parce que placée sur cette terre, comme dans un lieu d'exil, elle ne s'y fixe pas, mais élève son esprit et son cœur vers les joies célestes, comme disait Saint Paul, Philippiens 3:20, notre conversation est dans le ciel. Elle est toute remplie de délices, parce que, appliquée à la méditation des choses divines, elle donne à son esprit un aliment céleste. Elle est représentée appuyée sur son bien-aimé, parce qu'elle met toute sa confiance dans le secours de la grâce de Jésus-Christ, et qu'appuyée sur ce secours, elle se transporte de l'exil de cette vie à la bienheureuse patrie. Aurait-elle pu, demande l'abbé Rupert, s'appuyer sur elle-même ou sur quelque autre? Si elle l'eût fait, elle n'eût pas manqué de succomber. Aussi dit-elle, le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui craindrais-je? Que des armées entières soient campées contre moi, mon cœur ne craindra pas. Qu'on me livre bataille, j'espérerai dans le Seigneur, psaume 26:1-3. Parler et agir de la sorte, dit-il en terminant, c'est être appuyé sur son bien-aimé. Ainsi Marie, bien que comblée des dons des plus excellents, bien qu'exempte de la source du péché, ne plaçait pas néanmoins sa confiance en ses propres forces, mais en Dieu seul. Elle savait que c'est lui qui est l'auteur de tout bien véritable et la source de tout don parfait. C'est en Dieu qu'elle mit toute sa confiance au milieu des périls, des persécutions, alors qu'elle fut contrainte de fuir loin de son pays. Elle espéra en Dieu, même en voyant expirer son divin Fils, et les apôtres se disperser, elle espéra en Dieu durant les persécutions suscitées dans la suite contre l'Église naissante, l'épouse tendre et bien-aimée de son divin Fils. Armée de cette confiance, elle se maintenait ferme au milieu des vicissitudes les plus alarmantes, elle confirmait même ceux qui, déconcertés et abattus, avaient recours à elle comme à leur mère, et l'inspirait la confiance aux faibles, présentait une main secourable à ceux qui étaient tombés, animait les forces à redoubler de confiance. Gardons-nous de croire que depuis elle ait cessé d'exercer cette sollicitude maternelle. Non, il n'en est pas ainsi. Aujourd'hui encore, du haut du trône où elle est assise, elle étend sa main maternelle pour relever ceux qui sont tombés, elle ouvre son sein pour répandre en eux la confiance, elle va à leur rencontre pour les exciter à se relever, Sagesse 6, 17. Elle encourage les bons, les rend inébranlables au coup de l'adversité, et les empêche d'y succomber. Elle anime les pasteurs, elle entretient la vie dans tout le troupeau du Christ. En un mot, elle se montre toujours la mère de l'espérance. Ô mère de l'espérance, fortifiez le cœur abattu de votre enfant qui a recours à vous, et qui implore votre assistance. Ah, je ne connais que trop, par une triste expérience, mon extrême faiblesse, Jérémie, livre des Lamentations 3, 1. Je reconnais que je ne puis nullement me confier en moi-même, ni m'appuyer sur mes propres forces, je viens donc à vous, daignez, ô ma compatissante mère, m'obtenir de votre divin Fils, un peu de cette espérance, de ce courage qui parut en vous avec un si vif éclat, afin que moi aussi je puisse traverser heureusement le désert de cette misérable vie, que loin d'y attacher mon cœur, je le tienne toujours tourné vers les biens célestes, objet de cette espérance qui vient de Dieu, et qu'un jour je sois admis à les posséder dans la bienheureuse patrie. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.